Pour tous vos travaux de construction et de rénovation, faites appel aux professionnels compétents qualifiés Calibat. Les 56 000 artisans et entreprises Calibat ont été évalués et distingués par des professionnels du secteur et vous garantissent des travaux de qualité pour tout type de travaux. Menuiserie, maçonnerie, isolation, couverture, façade, étanchéité, chauffage, énergie renouvelable, il y a forcément un professionnel Calibat près de chez vous. Pour des travaux en toute confiance, exigez le certificat de qualification Calibat. Rendez-vous sur calibat.com. La science CQFD, Natacha Triou. On connaît le slogan « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». En effet, dans le vide intergalactique, aucun son ne peut se propager. Mais si justement, on faisait de l'astronomie par le son. Blaise Pascal évoquait le silence éternel des espaces infinis. Mais les astres sont-ils désespérément muets? Les étoiles, les coalescences de trous noirs, les éruptions solaires sont-elles condamnées au silence? Si l'astronomie est un domaine hautement visuel, les astronomes sont en train de découvrir des façons d'écouter l'univers. Pourquoi vouloir rendre audibles l'espace et les corps célestes? Tendons l'oreille à ces nouvelles façons de sonder le ciel. Astronomie, et je remets le son. Philippe Zarca, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris-Meudon. Jean-Philippe Uzan, bonjour. Bonjour. Vous êtes cosmologiste, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris, physicien théoricien au CNRS et vous êtes l'auteur de L'harmonie secrète de l'univers, paru aux éditions Flammarion en 2019. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct des studios de France Culture et merci à vous qui nous écoutez. Pour compléter l'écoute, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter dès maintenant pour notre live tweet riche de ressources complémentaires. C'est @sciencecqfd et c'est à retrouver sur notre page sur franceculture.fr. Jusqu'à 17h, nous parlerons de comment traduire le cosmos en son, de comment cette nouvelle démarche ouvre des fenêtres encore plus vastes sur l'espace et de ces intrications fertiles entre astronomie et musique. Historiquement, l'idée n'est pas nouvelle. En 1619, l'astronome Johann Kepler pensait que l'univers faisait de la musique. Dans la tradition pythagoricienne ou platonicienne qui est celle de Kepler, et comme l'avait déjà fait justement Pythagore ou comme l'avait fait quelqu'un comme Boès, chaque planète doit avoir un son qui lui est particulier afin de participer à cette harmonie et à cette musique des sphères qui est tellement fondamentale. Ce qui fait que Kepler en vient à écrire la note ou l'accord qui caractérise chaque planète. Et par exemple pour la Terre, cet accord c'est Mi et Fa, abréviation de Miseria et Famina, la misère et la famine, qui marque la condition de l'homme après la chute sur la terre inhospitalière où nous vivons. Mais dans la mesure aussi où il vient d'écrire ses lois, où il vient donc d'écrire l'équation du mouvement des planètes, il sait bien que ces notes sont soumises à une sorte de développement temporel au fur et à mesure que les planètes tournent autour du Soleil, et donc il doit écrire le développement, la ligne mélodique qui est celle de ces planètes dans leur course. Voilà notre archive de 1993. Avant même l'arrivée des techniques de sonification et l'essor contemporain de l'astronomie par le son, Philippe Zarca, écouter la musique des sphères, c'est un concept très ancien en réalité. Oui, mais dans ce qu'on vient d'entendre, et pour Kepler, c'est surtout une application symbolique en fait. On a les solides pythagoriciens, pour les pythagoriciens, la musique c'est des proportions mathématiques. Et donc ces proportions se retrouvent dans le système solaire entre les orbites planétaires. Et donc il y a une relation symbolique entre ces proportions et les notes de musique. Il n'y a pas de relation physique. Jean-Philippe Uzan. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est en fait l'héritage d'une longue tradition. C'est-à-dire que aussi quand on fait cette distinction entre art et science, entre en fait musique et astronomie, on a aussi une vision très disciplinaire en fait du savoir. Et à l'époque de Pythagore et toute cette tradition, donc Pythagore qui a fait cette expérience, on ne sait pas vraiment, disons cette légende de Pythagore se baladant dans son village et voyant les forgerons taper sur des enclumes, et qui va mener à cette compréhension du lien entre des accords harmonieux et puis des fractions fraction de nombre entier, par exemple un demi qui sera associé à l'octave, deux tiers, trois quarts, donc 1, 2, 3, 4. Donc il y avait toute cette mystique autour du nombre. Et en fait, comme il l'est dit dans l'extrait, en fait, avec Boès, en fait, ça va se transporter sous cette forme de quadrivium qui va être le programme scientifique des étudiants en sciences, on va dire, de l'époque, où on faisait aussi bien de l'arithmétique, de la géométrie, de l'astronomie et de la musique. Mais la musique, comme tu l'as dit, Philippe, c'était la théorie des fractions. Et donc, c'était une façon de faire des raisonnements, en fait, mathématiques. Et ces gens qui apprenaient la musique n'étaient pas des musiciens au sens des troubadours, par exemple. Donc, c'était une musique très, très intellectuelle. Et c'est vrai que si on le regarde de loin avec la tradition disciplinaire d'aujourd'hui, ces séparations entre disciplines, on va dire, ben voilà, ça c'est de l'ésotérisme ou pas, alors que ce que fait Kepler, c'est une application en fait de ces lois du mouvement des astres, hein, que les étudiants de terminale, de classe prépa apprennent probablement, et qu'il traduit en fait dans ce langage-là parce qu'il y a une tradition. Pour rester sur cette perspective historique, Jean-Philippe Luzan, qu'appelle-t-on historiquement le champ du cosmos ? Ah, déjà le mot cosmos, le mot cosmos qui a une longue histoire. Donc le cosmos qui est l'ordre, qui s'oppose au chaos, le désordre. Donc ça, c'est son premier sens. Et puis ensuite, quand on regarde les racines, on a cosmo comme dans cosmologie, donc l'espace, et cosmos comme dans cosmétique, la beauté. Et là encore, une légende qui nous renvoie à Pythagore, qu'il aurait choisi en fait ce terme pour parler de la voûte céleste, donc du ciel étoilé, parce que l'émotion qu'il aurait en regardant ce ciel était le même qu'il avait en regardant une femme qui aurait mis ses bijoux, donc qui avait fait donc la cosmologie, l'art de la parure aussi. Et donc ce lien tout de suite entre l'espace et les sentiments que nous pouvons avoir, donc la beauté, en regardant ce ciel. Et je pense que pour ceux qui ont eu la chance de regarder le ciel, on a des frissons, quoi. C'est quand même une des émotions premières, je pense, de l'humanité, c'est d'aller le soir sortir en dehors des villes et voir le ciel étoilé. Parce que tout de suite, on a toutes ces questions existentielles, métaphysiques qui nous viennent, et puis éventuellement des questions scientifiques ensuite. Sur les questions scientifiques de Johann Kepler, hein, il a tout fait pour retrouver cette musique des étoiles. Selon lui, tout corps en mouvement produisait un son. Il faut tout de suite qu'on pose une première chose importante, hein, Philippe Zarca, dans l'espace vide, le son ne peut pas se propager, on ne peut rien entendre directement dans l'univers. Non, pas directement, pas dès qu'il y a de l'espace vide entre l'objet que vous observez et vous. Et la raison en est très simple, en fait, c'est que, contrairement à la lumière, dont on parlera plus tard, je pense, le son, c'est une vibration mécanique. Et donc, c'est une vibration qui est transportée par la matière et par les collisions dans la matière. Hein, quand je parle à quelqu'un, mes cordes vocales mettent en mouvement l'air qui, par collision avec les molécules d'air de proche en proche, va aller jusqu'à votre oreille. Si vous enlevez l'air entre vous et moi, vous ne m'entendez plus, le son ne se propage plus. Dans l'espace, il y a essentiellement le vide, en tout cas un milieu qui est suffisamment raréfié pour qu'il n'y ait pas de collision. Donc pas de son qui se transporte. Jean-Philippe Luzan, voilà, les ondes acoustiques voyagent, on peut dire aussi comme des vagues. Oui, exactement. Donc ce sont des ondes. Tout phénomène vibratoire, en fait, vous pouvez le voir comme un ensemble de vagues, comme un tsunami, comme des rides à la surface de l'eau. Et elles transportent une information. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi, c'est que dès qu'on a des ondes, eh bien, si on arrive à les détecter, on va apprendre quelque chose sur le système qui a produit ces ondes et aussi le milieu qui est traversé par ces ondes. Donc ça, c'est pour ça qu'en astronomie, on est basé sur l'observation de la lumière des étoiles. Et en effet, le son, même s'il est produit, puisqu'une étoile étant matérielle et vibrant, elle produit du son, mais ce son ne peut pas se propager à travers l'espace. Donc on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'en observant autrement la vibration du tambour, par exemple, on serait capable de reproduire le son qu'émet ce tambour s'il était placé dans un environnement comme le nôtre ? Parce que bien sûr, le son que l'on va entendre va aussi dépendre des propriétés de l'atmosphère, par exemple, dans lequel on se trouve. Pour tout le monde, on peut faire l'expérience, hein, essayer de parler dans l'air et puis aller à la piscine, parler dans l'eau. Vous allez voir que les sons qui se propagent ne sont pas les mêmes. Et donc le son qui vous arrive, même si à la production il est identique, va aussi dépendre du milieu qui est traversé par ces ondes. Voilà, les ondes acoustiques se propagent partout du moment que l'environnement contient assez de molécules. Philippe Zarca, donc espace vide égale espace silencieux, nécessairement. C'est ça. Maintenant, comme l'a dit Jean-Philippe, il y a quand même du son dans l'univers, là où il y a des collisions. Si, d'ailleurs, on a des expériences spatiales qui ont enregistré des sons sur Mars, hein, récemment. Sur Mars, il y a une atmosphère assez ténue, mais suffisante pour qu'il y ait des sons. Ce serait la même chose si on allait enregistrer des sons à la surface de Jupiter, par exemple dans l'atmosphère de Jupiter. Si on mettait notre tête suffisamment près de la surface du Soleil, on aurait très chaud, mais on pourrait là aussi avoir des collisions qui transportent des sons. Voilà. Et alors, si on va à l'autre bout de l'échelle, mais ça, Jean-Philippe en parlera mieux que moi, c'est lui le cosmologiste du duo, il y a peut-être des vibrations de type acoustique qui se sont imprimées dans le tissu même de l'univers, le tissu cosmologique en fait, mais qui datent des temps où l'univers était collisionnel. Les astres ne nous envoient donc aucun son. En revanche, ils nous envoient de la lumière, visible et invisible. Et c'est là l'essentiel des informations que nous pouvons recevoir du cosmos. Ça nous parvient sous forme de lumière, Jean-Philippe Usan. On va dire que, alors je ne vais pas mettre de pourcentage, mais 99% de l'information que nous avons aujourd'hui sur l'univers nous vient de la lumière. C'est pas que ça, c'est-à-dire qu'on a déjà, on ramasse des pierres, il y a les météorites, c'est vachement important les météorites, donc ça des pierres qui nous racontent l'histoire du système solaire. On a des particules comme les neutrinos qui sont détectés, et depuis maintenant 2015, on a des détecteurs d'ondes gravitationnelles, et là qui nous révèlent, c'est très intéressant, des ondes pour lesquelles nous n'avons aucun sens. La lumière, nous avons nos yeux, le son, nous avons nos oreilles. Et pour les ondes gravitationnelles, eh bien notre corps n'est pas assez grand finalement pour que nous puissions avoir un sens. Donc nous sommes réellement aveugles pour les ondes gravitationnelles. Et moi, ce que j'aime bien dans le développement de la science par rapport à cette histoire d'entendre quelque chose de voir quelque chose qui est invisible ou inaudible, c'est cette idée que la science permet systématiquement de rendre visibles des choses qui sont invisibles. Que ce soit par les développements de son instrumentation, si vous utilisez un microscope ou un télescope, si vous allez voir aussi des couleurs inaccessibles à vos yeux, les ultraviolets, les infrarouges, nous les utilisons quotidiennement en astronomie, et puis les ondes gravitationnelles pour lesquelles nous n'avons pas de sens. Et je pense que ça, pour moi, c'est le cœur, en fait, parce que je crois que c'est déjà la technique, et puis c'est aussi les théories physiques qui nous permettent de penser qu'il y a des choses qui vibrent, et que donc, éventuellement, on va pouvoir aller mesurer. Donc ce côté par rapport à « ce n'est pas visible », j'ai besoin de trouver une façon de le comprendre et de le mesurer, et je vais le rendre visible. Et donc je vais étendre l'univers. Moi, c'est ça l'image que je trouve vraiment très très poétique, c'est que faire de la science, c'est étendre l'ensemble des objets que l'on sait exister autour de nous. Et pour rebondir en fait sur ce que vient de dire Jean-Philippe, il faut réaliser que l'accès à une autre information que la lumière est extrêmement récente. Je veux dire, comme il l'a dit, maintenant, il y a les rayons cosmiques, les neutrinos, les ondes gravitationnelles, mais à part la collecte des météorites, jusqu'au siècle dernier, on n'avait que la lumière. Et les lumières non visibles étaient relativement récentes, datent de l'ordre d'un siècle. Jean-Philippe Usan, ça veut dire qu'en fait, on est habitué à penser que l'astronomie est une science visuelle, mais ce n'est en fait qu'une habitude que nous avons. C'est historiquement une science principalement visuelle. Je pense qu'on a commencé l'astronomie parce qu'on voyait les étoiles. Voilà, il faut se rappeler quand même certains jalons. On a fait de l'astronomie à l'œil nu jusqu'en 1610. En 1610, il y a un certain monsieur qui a pointé une lunette vers le ciel qui s'appelle Galilée pour observer la Lune, pour regarder la Voie lactée. Il y a eu le développement de cette époque de l'astronomie optique. Les télescopes, les lunettes. On a découvert les infrarouges et les ultraviolets. Ça, c'est quand même assez récent. Ça date du 19e siècle. Et les astronomes, tout de suite, se sont dit, il faut regarder l'univers aussi dans ces couleurs-là. Et ce qu'on a compris, c'est que chaque couleur correspond à des gammes d'énergie. C'est-à-dire que les ultraviolets, c'est de la lumière qui est beaucoup plus énergétique. Les infrarouges, des lumières qui sont moins énergétiques. Et si vous voulez comprendre un phénomène, plus vous avez accès à une gamme de couleurs qui est étendue, plus vous allez comprendre le fonctionnement de votre système. Et les premières particules, ça date des années 50 à peu près, d'être se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour détecter un neutrino, un rayon cosmique. Et ça, c'est quelque chose de très, très récent. Et aujourd'hui, on va dire que dans le développement de l'astronomie, finalement, c'est une discipline qui va vers ce qu'on appelle l'astronomie multimessager, où on essaye de croiser les informations de ces différents messagers, que ce soit les photons, les ondes gravitationnelles, les neutrinos. Par exemple, si une supernova explose, elle va envoyer de la lumière dans différentes couleurs. Elle va envoyer des neutrinos. Et il y a des relations entre ces particules, leur énergie, leur distribution. Et donc, ça nous permet de valider encore plus nos théories et de comprendre mieux le fonctionnement de ces objets. Que se passerait-il si nous exploitions ces données numériques avec un autre sens comme Louis ? C'est la question que pose l'astronomie par le son. Philippe Zarka, quelle a été la genèse de cette approche, puisque vous êtes l'un des pionniers de l'astronomie par le son ? Oui, premier son synthétisé en 1992. Alors en fait, la genèse, je dirais, en ce qui me concerne, est triple. D'une part, il faut reconnaître d'abord que il y avait un prédécesseur illustre sur la mission Voyageur qui a parcouru le système solaire. Il y avait l'un des responsables scientifiques de l'une des expériences de la mission, qui était l'expérience qu'on appelait les ondes de plasma. Donc cette personne s'appelait Donald Gurnett, un grand scientifique décédé aujourd'hui, qui captait des ondes donc lumineuses, on va dire, ou en tout cas de nature électrique, avec des antennes placées dans les milieux visités par les sondes voyageurs. Bon. Et ces ondes, c'était des ondes qui étaient naturellement à très basse fréquence, c'est-à-dire qui étaient de fréquence inférieure à 20 kHz. Or, 20 kHz, c'est la limite des fréquences audibles. Et donc, cette personne, on était dans les années 70, à l'époque de l'analogique, avait eu l'idée de donner une image sonore des données qu'il recueillait avec son antenne en branchant simplement la sortie de son instrument sur un haut-parleur. Comme les données étaient directement dans la gamme 0 à 20 kHz, eh bien, on pouvait entendre des sons grâce aux impulsions électriques qui allaient exciter la membrane du haut-parleur. Donc on avait une traduction instantanée. Bon, ça c'était, on va dire, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est une visite mémorable que j'ai faite à la Villette lors de son ouverture avec une exposition qui s'appelait « Le son et l'oreille » et qui montrait un dispositif très simple mais extrêmement pédagogique, un microphone relié à un ordinateur et un écran qui, sur lequel s'affichait le sonogramme, donc la décomposition en fréquence du son qui était capté par le microphone. Et alors je me suis dit à cette époque-là, bon sang, mais ceci et ces sonogrammes sont très semblables aux données que moi je recueille, radioastronome, avec par exemple la sonde Voyageur ou d'autres, ou la sonde Ulysse. Et puis le troisième aspect, c'était, j'avais entendu parler d'expériences faites à l'IRCAM par Yanis Xenakis, à LUPIC, avec LUPIC qui était... alors en fait, je n'ai jamais vu, hein, je ne sais pas en détail ce qu'est LUPIC, je me le suis imaginé d'après les descriptions que j'ai eues, qui était une machine à transformer les dessins d'enfants en sons. Et alors j'ai mélangé tout ça dans ma tête et je me suis dit, ben oui, en fait, on peut traduire des données de nature lumineuse qui s'expriment en temps et en fréquence, comme des sonogrammes, et en faire des images sonores. Eh bien, concrètement, comment on s'y prend, hein? C'est le principe de la sonification, convertir les images, la lumière en son. Comment ça se passe? On répond à ces questions dans quelques instants. Tendez l'oreille. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. Vous venez d'entendre une sonification de l'exoplanète WASP-96b capturée par le James Webb Télescope. Il est 16h17 sur France Culture avec Philippe Zarca, Jean-Philippe Usan. Nous parlons de l'astronomie par le son. Nous allons voir, hein, nous venons de dire, hein, que vous étiez, Philippe Zarca, l'un des pionniers dans ce domaine. La sonification, c'est ce processus qui transforme les données en son. Comment on pratique ça? Quel est le principe? Alors, le principe est assez simple. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une portée musicale? C'est un diagramme dans lequel l'une des dimensions horizontales, c'est le temps qui s'écoule, et la dimension verticale, ce sont les notes de musique, la hauteur des notes, c'est-à-dire la fréquence. C'est juste que sur une portée, les notes sont à des fréquences bien déterminées, parce qu'on a l'habitude de travailler sur une gamme. Bon. Mais donc, une partition musicale n'est rien d'autre qu'une représentation graphique en temps et en fréquence d'un phénomène sonore. Eh bien, ce genre de diagramme avec le temps dans une dimension et la fréquence dans l'autre dimension, ce sont des diagrammes qu'on recueille fréquemment, par exemple par le biais de la radioastronomie, mais aussi d'autres domaines. Donc on enregistre des phénomènes que l'on décompose à chaque instant sur leurs différentes fréquences, et donc on a une image qui correspond à l'intensité en fonction du temps et de la fréquence. Structurellement, cette image est tout à fait similaire à un sonogramme. Donc on peut, avec un ordinateur et un programme extrêmement simple, hein, que à l'époque j'ai écrit moi-même, mais que tout le monde peut écrire, hein, on peut en fait dire, eh bien je vais réinterpréter cette image en choisissant la durée de cette image, la gamme de fréquences que je vais transposer dans la gamme sonore, dans la gamme audio, et je vais recréer le son, donc c'est une synthèse sonore, je vais recréer le son qui correspond exactement à l'image que me donnent mes données. On va tout de suite écouter, décortiquer ça ensemble. Vous nous avez envoyé de nombreux extraits de votre sonothèque. On commence avec une éruption solaire. Mmh. C'est pas l'éruption solaire? Ah, je vous ai eu au quiz. Soleil caustique. Dites-nous tout, Philippe Zarca. En fait, ce qu'on vient d'entendre, c'est la traduction sonore de ce qu'on appelle une caustique. C'est du rayonnement solaire, en effet, mais qui nous arrive en traversant l'atmosphère terrestre. Et dans les hautes couches de l'atmosphère, il y a une partie de la haute atmosphère qui est ce qu'on appelle ionisée, hein, séparée en électrons et en ions. Et par rapport aux ondes radio qui arrivent, parce que c'est un phénomène radio, ça joue le rôle de lentille. Et en fait, derrière une lentille, on a des focalisations et défocalisations du rayonnement qu'on appelle des caustiques. Et ben là, on a exactement des caustiques. C'est ça qui fait le tchou caractéristique qu'on a traduit en son. On a une image qui représente des sursauts solaires, des sortes de bouffées d'électrons très rapides, c'est ça? Alors, à l'origine, oui. Si on fait abstraction de l'effet d'optique de l'atmosphère, on a des émissions. Alors, ce ne sont pas vraiment des éruptions, parce que c'est très fréquent. Ce sont des bouffées d'électrons de très haute énergie, de très haute vitesse, d'énergie assez élevée, mais pas fantastiquement élevée, qui sont produits dans la couronne solaire. Mais ces images, pour faire parce que oui, il s'agit de faire de la transposition, quelle est la traduction? C'est que la lumière des objets situés vers le haut de l'image se traduit par des sons plus aigus, par exemple? Exactement. Voilà. Exactement. Le haut de l'image va correspondre aux fréquences élevées, donc aux aigus. Le bas à des fréquences basses. Il reste juste à ajuster l'échelle. Et puis à ajuster la durée. Hein. On prend des phénomènes qui durent des heures et puis on en fait des images sonores qui durent des dizaines de secondes. Sinon, ce serait ennuyeux. Pareil, l'intensité de la source de lumière contrôle le volume. Elle est respectée absolument par le volume. Très bien. On continue d'explorer votre sonothèque, hein, puisque Jupiter est aussi une source d'ondes radio puissantes. Écoutez. Qu'est-ce qu'on entend dans ce sonogramme? Alors en fait, ce qui est intéressant avec le Soleil ou Jupiter, les planètes du système solaire, c'est que les phénomènes qui s'y produisent et qui produisent des ondes radio sont des phénomènes extrêmement variables dans le temps. Et donc, ces données ont une structure très compliquée en temps fréquence et donc donnent lieu à des traductions sonores intéressantes. Alors là, dans le cas de Jupiter, il s'agit en fait de l'interaction entre la lune Io, qui est une lune volcanique, et la planète Jupiter, par l'intermédiaire du champ magnétique de Jupiter. Il se trouve que Io, qui est pourtant à 450 000 km de Jupiter, ben, en quelque sorte cause avec Jupiter par l'intermédiaire de son champ magnétique. Et l'interaction va créer des accélérations d'électrons qui vont donner des ondes radio, qui donnent les ondes qu'on entend. Jean-Philippe Puzan, sur ces électrons qui se déplacent dans le champ magnétique. À l'époque, quand j'étais étudiant, j'avais travaillé sur ces aurores boréales de Jupiter. Et comme à l'époque, j'étais aussi féru, comme je suis toujours, du Grand Nord. Et il y avait ces aurores boréales m'avaient beaucoup perturbé parce que j'avais lu des récits de missionnaires qui disaient que des Inuits leur racontaient que les aurores boréales crépitaient. Et je m'étais dit, un jour, je vais entendre les aurores boréales crépiter. J'ai jamais entendu une aurore boréale crépiter. J'ai eu la chance d'en voir, mais non, je les ai pas vues crépiter, entendues crépiter. Et c'est vrai que si on utilise ces techniques d'enregistrement des aurores boréales, alors on peut faire chanter ces rideaux de lumière si on le veut, en utilisant ces techniques en fait de sonification. Mais là, le son qu'on a entendu, il a été accéléré, hein, car il s'agit de dizaines d'heures d'enregistrement. En réalité, ce qu'on a entendu pendant 20 secondes, ça dure 3 heures. D'accord. Donc là, c'est là où il y a une liberté, parce qu'en fait, on a une bande de fréquence, on doit la ramener à la bande de fréquence audible de l'oreille humaine. Et bien ça, il y a une liberté de savoir en fait comment est-ce qu'on le fait. Pareil, en termes de la vitesse du phénomène et de l'amplitude, on a ce choix. Donc finalement, il y a aussi un côté artistique. Et c'est aussi le cas, et ça c'est important, je pense, de le dire à tout le monde, des images d'astronomie que l'on voit dans les journaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'image brute avec un appareil photo, même un appareil photo, une pellicule à différentes sensibilités en fonction des couleurs. Toutes ces images, en fait, ont une dimension artistique. Elles ont de l'information scientifique dedans, mais si je prends une photo en infrarouge, la façon dont je vais rendre ce cliché infrarouge en visible, il y a une dimension artistique. Et c'est vrai qu'on a certains collègues qui sont beaucoup plus doués quand ils font leurs observations pour faire des images, en fait, qui font réagir, qui accrochent le regard. Et il faut pas oublier ça. C'est-à-dire que toutes ces images ne sont que des images scientifiques, mais ont une dimension artistique aussi. Ouais, ne sont que des représentations. Voilà. On va rester avec Jupiter, avec une autre écoute de ces mêmes faisceaux d'électrons de Jupiter, mais dans une durée réelle, sans accélération artificielle. C'est Kuiper, on dirait des chants d'oiseaux. Exactement. Voilà, c'est ça, exactement. D'ailleurs, sur les... sur ce milliseconde de Jupiter. Philippe Darca, qu'est-ce qu'on entend là, du coup ? Alors, on ne savait pas qu'il y avait des oiseaux sur Jupiter. On ne sait toujours pas, je vous rassure. Non. En fait, ce qu'on entend, bah, alors, ce sont, encore une fois, des émissions radio. Hein. Bon, c'est un peu une constante chez moi, mais je suis radio-astronome, donc ça s'explique. Ce sont des émissions radio. Là encore, en fait, produites par l'interaction entre Io, le satellite, et Jupiter. C'est ce qui produit des phénomènes très riches. Il se trouve que une fraction du temps, à peu près 10% du temps, ces émissions radio sont structurées sous la forme de ces sursauts très brefs. Et on a presque, grâce à la transposition sonore, on entend presque des paquets d'électrons glisser le long du champ magnétique entre Jupiter et Io. Ça, c'est quand même assez fascinant. Et comme vous avez dit vous-même, la séquence n'est pas accélérée. C'est donc à vitesse réelle, en fait. Donc on entend le glissement des électrons entre Jupiter et Io. Je me permets de revenir un instant. Bah, j'exprime un très léger désaccord avec mon collègue. Ah, sinon, super. Ce sera ennuyeux. Non, super. Voilà. Non, je suis d'accord qu'il y a du potentiel artistique dans les images et les sons. Maintenant, dans mon cas particulier, la volonté délibérée, c'est de rester dans une traduction totalement littérale. Donc, aucune interprétation c'est juste une transposition de sinusoïde en sinusoïde, donc des ondes reçues. Et par contre, effectivement, alors là, pour revenir d'accord avec ce que disait Jean-Philippe, ce matériau sonore inspire des artistes qui s'en saisissent et qui font œuvre artistique avec. Mais voilà, j'ai préféré laisser aux professionnels. Oui, votre démarche, voilà, aucune interprétation musicale, c'est bien une transposition sonore. Brute. Alors, techniquement, vous évoquiez tout à l'heure votre logiciel. C'est avec le logiciel e-Spectrum que vous faites ça qu'on peut faire de l'analyse de son de cette manière pour produire ces sonogrammes. Alors, non, avec e-Spectrum, on peut faire des sonogrammes, c'est-à-dire faire le contraire. C'est-à-dire prendre un son et en produire le sonogramme. D'accord. Construire les sons, donc synthétiser les sons à partir des données et du sonogramme, c'est un programme que j'ai écrit moi-même dans un langage d'analyse de données scientifiques, dont je ne vais pas donner le nom parce que ce serait une publicité gratuite. Ah oui, d'accord, oui, moi j'ai le mien aussi, en fait, c'est assez facile à faire. Ouais, mais mais alors, est-ce qu'il existe une méthode ou un cadre pour la sonification des données ? Est-ce qu'il y a des standards, par exemple ? Non, il y a pas. Enfin, pas à ma connaissance, mais à la base, c'est quand même assez simple. Comme disait Jean-Philippe, il a son logiciel. Je suis sûr que ça fait à peu près la même chose. Dans le cœur de la traduction, on n'a pas une latitude infinie. Si on traduit de manière littérale, eh bien, on a des temps, des fréquences, des intensités, et on va les transposer dans la gamme audio. La liberté qu'on a, comme le disait Jean-Philippe, c'est de choisir comment on va répartir les fréquences entre le minimum et le maximum. Par exemple, il faut savoir que l'oreille est ce qu'on appelle logarithmique. Quand vous vous déplacez sur un clavier de piano, d'une octave à l'octave suivante, on a multiplié la fréquence par 2. Donc à l'octave suivante par 4, par 8, etc. Mm-hmm. Voilà. Et donc, si on utilise une échelle logarithmique pour les fréquences, alors que l'échelle initiale peut être linéaire, on va avoir un rendu plus joli à l'oreille. Voilà, c'est la seule. Et on a aussi la compression temporelle, et ce sont les seules libertés artistiques que je m'autorise. Après, on peut jouer sur les effets, les échos, les loudness, tout ce qu'on veut. Là, on vous propose une transposition sonore très étrange, c'est Saturne. Philippe Darca. C'est ma préférée. Ah, pourquoi ? Je trouve que là pour le coup, c'est un jugement artistique que je m'interdisais juste avant. Donc, j'assume mes contradictions. Non, mais c'est juste un jugement. J'ai pas. C'est parce que en fait, je sais pas. C'est très fantomatique. Moi, j'ai l'impression d'entendre le surnaturel autour de Saturne, quoi. Le Saturne naturel, en quelque sorte. Jean-Philippe Huzon. Oui, c'est vrai. Je repense à tes oiseaux parce que ce qui est marrant, c'est que l'exercice peut être fait dans le sens inverse. Olivier Messiaen qui a composé à partir d'oiseaux, donc il écoutait les oiseaux, il a écrit donc là avec un langage musical le même qu'on apprend au conservatoire. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont enregistré les oiseaux et qui ont comparé les sonogrammes d'un piano qui jouait les œuvres de Messiaen et les enregistrements des oiseaux. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça collait, mais de façon très très fine, ce qui prouvait à quel point en fait il était lui-même une machine à faire de la sonification, à transformer des sons comme ça en musique. Donc en fait fait, on voit qu'on peut aussi enregistrer simplement les sons qui sont autour de nous et éventuellement les retranscrire en mélodie. Et je pense que beaucoup de compositeurs, quand ils disent qu'ils sont inspirés par une, voilà, par la nature, c'est aussi ce genre de choses qu'ils font peut-être de façon un peu automatique, sans avoir besoin d'ordinateur. Aujourd'hui, c'est une pratique courante. Il y a une forte augmentation du nombre de projets en radio et astronomie qui utilisent ce processus de sonification en fabriquant des sonogrammes. Mais pourquoi transposer cette lumière, ces flux lumineux en signaux sonores et audibles? Pourquoi un tel succès scientifique, Jean-Philippe Huzan? Alors, je sais pas si c'est un succès scientifique, parce que je pense que dans les laboratoires, il y a très peu de gens qui font ça. En fait, on le fait d'abord pour s'amuser. Et surtout à des fins pédagogiques, de diffusion des connaissances et éventuellement parce qu'on est aussi sollicité par des artistes qui sont intéressés par l'univers et qui nous demandent comment vibre un trou noir et que ça demande pas mal de temps à leur expliquer ou voilà, qui ont entendu à la radio la coalescence de deux trous noirs et les ondes gravitationnelles. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les ondes gravitationnelles, on n'a pas de sens, ce n'est pas un son. Et donc, on a des gens qui viennent nous poser des questions et je pense que c'est intéressant donc d'utiliser ça comme une porte pédagogique pour que les gens se pose des questions. Et éventuellement, avec certains artistes, on va pouvoir créer un univers en fait, de création où on va dire, il y a des objets qui sonnent comme ça, qui sonnent comme ça, et est-ce qu'on peut raconter une histoire? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Mais je ne crois pas qu'il y ait eu une seule découverte scientifique qui ait été faite de cette façon-là. Il y a un article publié dans Nature Astronomy en 2022. La sonification des données pourrait avoir des applications dans la recherche, en utilisation comme outil scientifique. On n'en est encore qu'au début. Votre regard à ce propos, Philippe Zarka? Je prétends pas être une autorité, hein. On peut se tromper, je dirais comme Jean-Philippe, hein. A priori, pour une raison simple, j'ai l'impression, une très grande partie de l'information nous vient par la vue, je crois que c'est chez les gens qui étudient donc la physiologie, c'est 80% à peu près, et puis la vue est incroyablement plus sélective que l'ouïe, hein. Essayer d'isoler des sons, avec la stéréo des deux oreilles, on y arrive parfois, mais c'est quand même assez difficile et en particulier, il faut des entraînements assez poussés. Donc en fait, c'est vraiment la vue qui nous donne les plus grandes informations. Et quand on a des données astronomiques, aujourd'hui en particulier, ce sont des données qui sont sous forme numérique. Et là, je dirais, même la vue est dispensable. C'est-à-dire que c'est le calcul sur ces données qui va nous donner l'information. Exactement. Voilà. Quels sont les autres phénomènes stellaires que l'on peut sonoriser? On va continuer d'écouter le cosmos, et pas seulement dans notre Voie lactée, on va partir un peu plus loin dans l'espace. Restez avec nous. J'adore. Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens et de temps en temps je coupe le son et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. À 16h33 sur France Culture, Philippe Catherine, on remet le son car on fait de l'astronomie par le son avec Philippe Zarka, astrophysicien, directeur de recherche CNRS au LESIA, l'Observatoire de Paris-Meudon, et avec Jean-Philippe Huzan, cosmologiste, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris, physicien, théoricien au CNRS. Nous venons de voir que l'on pouvait sonifier de nombreux phénomènes cosmiques dans notre système solaire et on peut même écouter le chant des trous noirs, le chant lugubre. Écoutez. Ça c'est dans son que vous connaissez tous les deux, Jean-Philippe Puzon, Philippe Zarga. C'est un des miens, celui-là, ça. Mmh. Ah non. Oui, c'est un toi, ouais. C'est pas le même, non, c'est pas le même. Non, celui-là, alors celui-ci, je voulais pas vous faire un blind test, en plus. Celui-ci, c'est le son de la NASA qui a été dévoilé en mai 2022. L'exemple du trou noir de Persée au centre de l'amas de Persée, la galaxie géante, à 250 millions d'années-lumière de la Terre. Ça, c'est un son assez particulier. Il y a une méthode assez étonnante aussi derrière l'extraction de ce son, Jean-Philippe Puzan. Bon, déjà, il y a le trou noir. Parce que le trou noir, déjà, lui-même n'émet pas de lumière. Donc, en fait, on est un petit peu dans la colle avec un trou noir. C'est que il n'y a pas de façon de voir les trous noirs. Éventuellement, on voit la matière qui est autour des trous noirs, donc on voit pas l'ombre des trous noirs, donc c'est ce qu'on dirait plutôt qu'on voit la silhouette des trous noirs. On peut un peu dans un film de Hitchcock là, avec le coup de couteau derrière la cabine de douche. On voit de la matière qui tombe sur le trou noir, cette matière chauffe et donc elle va émettre de la lumière, elle va émettre dans différentes longueurs d'onde, et c'est ça que l'on va observer et que l'on va transformer en son. Donc on ne voit pas le trou noir, là on n'entend pas le trou noir, on entend la matière qui tombe dans le trou noir. Voilà, donc ça c'est une précision à faire, parce que c'est vrai que les trous noirs qui vibrent, alors ça arrive après une coalescence, ça dure très très peu de temps en fait, ce moment où ils vibrent, mais sinon les trous noirs sont des objets qui sont assez miraculeux, c'est peut-être les objets les plus simples de la nature, parce que tous les objets, on doit leur dire, ils ont une masse, il suffit de trois nombres pour décrire un trou noir, et il y a peu d'objets dans la nature qui sont décrits simplement par trois nombres. Et à la fois, c'est les objets qui sont encore très incompréhensibles, voilà, au niveau intuitif et même mathématique, il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas compris sur ces trous noirs, et pour autant, ça serait les objets les plus simples de la nature. Dans l'espace, personne n'entend palpiter les trous noirs, sauf s'ils contiennent du gaz où les ondes sonores peuvent se propager, Philippe Zarga. Oui, en fait, j'avais demandé juste avant d'où venait le son qu'on vient d'entendre, parce que il y a quelques années, un collègue, Michel Tagère, donc qui était au CEA à l'époque, m'avait passé, donc il savait que je faisais sonification, il m'avait passé un enregistrement, donc pareil, temps, fréquence, de la lumière X, comme vient de dire Jean-Philippe, qui provient d'un trou noir. Alors c'est assez fascinant, parce que dans l'enregistrement, on entend une espèce de sifflement qui varie au cours du temps. Bon, ce sifflement, on n'avait pas changé la fréquence, il est aux alentours du kilohertz, hein, donc 1000 hertz, 1000 oscillations par seconde. Et alors, je demandais à mon collègue Michel, je parle sous le contrôle de Jean-Philippe, mais qu'est-ce que c'est que cette vibration? Alors en fait, comme a dit Jean-Philippe, on voit pas le trou noir, il y a du gaz qui vient s'accumuler autour, qui fait ce qu'on appelle un disque d'accrétion, qui chauffe à très haute température, qui met des rayons X. Bon, mais en fait, ce gaz fait une espèce d'anneau, et cet anneau, sous divers effets, en fait, il va se contracter, se dilater, se contracter, se dilater, comme ça, et il peut le faire très rapidement, il peut le faire 1000 fois par seconde. Et donc, ce qu'on entendait dans cette sonification de rayons X, c'était les palpitations du disque de matière autour du trou noir qui se faisait à 1000 fois par seconde. Et on avait appelé ça le dernier cri de la matière qui tombe dans le trou noir. Voilà, c'est beau. Mais là, pour revenir sur cette sonification de la NASA qui a fait grand bruit, là, ce sont donc de véritables ondes sonores qui traversent le gaz de l'amas de galaxies Persée et qui ont été adaptées à l'oreille humaine, parce que c'était des ondes sonores inaudible pour nos oreilles humaines, Jean-Philippe Puzan. Donc c'était des ondes sonores tant qu'elles étaient dans le disque d'accrétion. Mmh. D'accord, comme tout à l'heure, on a dit, voilà, les étoiles vibrent à l'intérieur des étoiles, on peut admettre qu'il y a du son. Et puis, il y a un moment, le disque d'accrétion s'arrête. Et là, c'est la lumière, simplement, qui se propage dans le vide et donc qui est de nouveau transformée en son. D'accord, donc toujours, ne pas oublier qu'on doit passer par la lumière à un moment ou un autre. Éventuellement par des ondes gravitationnelles, mais on n'est pas encore assez fort pour faire ce genre de choses, mais ça arrivera dans quelques années, c'est sûr. On part à l'écoute d'un pulsar, un autre son qui nous vient de votre sonothèque, Philippe Zarga. Alors ça doit surprendre les gens qui écoutent, là, le public, parce que vous dites un pulsar. Si des gens connaissent un peu l'astronomie, ils savent au moins une chose, c'est qu'un pulsar est périodique. Il envoie des impulsions. Mmh. C'est pour ça que ça s'appelle un pulsar, hein, pulsating star à l'origine. Et donc, on s'entendrait à entendre des impulsions, tchop, tchop, tchop, comme ça. Et effectivement, c'est bien ce qui est produit par le pulsar, des impulsions lumineuses, bien sûr. C'est bien ce qui est produit par le pulsar si on est près de lui. Mais il se trouve que, comme ce sont des impulsions, elles se décomposent sur une bande de fréquences très large, des graves jusqu'aux aigus, on va dire, en prenant l'analogie sonore. Mais cette lumière qui se déplace depuis le pulsar, qui va être à des centaines d'années-lumière jusqu'à nous, eh bien, ne se propage pas à la même vitesse dans les hautes fréquences et dans les basses fréquences. Donc, transposition dans les aigus et les graves. Et donc, quand on reçoit cette lumière, on reçoit d'abord les hautes fréquences, puis les basses. Et c'est pour ça qu'on entend un glissement, un glissando, en fait, infini des hautes vers les basses fréquences. Voilà. Alors, ce qui est fascinant là-dedans, et on ne s'en rend pas toujours compte, c'est que quand on prend une seule de ces impulsions, on entend un glissando qui va aller des graves vers les aigus en, mettons, une seconde, 10 secondes. Ce sont 10 secondes de différence de trajet sur un trajet total qui a mis 1000 ans entre le pulsar et nous. Donc on est capable, par l'observation, de distinguer entre 1000 ans et 1000 ans et 10 secondes. Oui. Et surtout, c'est très utile parce que, bon, là, c'est, on l'écoute, mais pour les astronomes, ça leur permet de savoir, par exemple, eh bien, la densité des électrons entre l'émission du pulsar et aujourd'hui. Et ça, donc, ça nous permet aussi de détecter de la matière que nous sommes incapables de voir avec un télescope parce qu'elle est trop ténue. Et donc, ce petit glissando ici, c'est un appareil de mesure qui mesure la densité de l'espace interstellaire et intergalactique. Donc voilà, toutes ces choses-là ont une utilité et sont des mesures scientifiques. Si on veut rêver un peu plus, depuis une vingtaine d'années, on a découvert en astronomie, là encore en radio, des phénomènes qui s'appellent les fast radio bursts, donc les sursauts radio rapides. Et là, c'est comme un pulsar qui pulserait qu'une fois à chaque fois, ou peu de fois. Mais il faut se rendre compte que là, on a su mesurer que les sources se trouvent à 1 milliard d'années-lumière. Et on arrive donc à mesurer un glissando entre un trajet de 1 milliard d'années et 1 milliard d'années et une seconde. Mmh. Le mystère des fast radio, les sursauts radio rapides, hein, on ignore encore tout de leur nature et de leur origine. Ouais. Après le chant des planètes, le son des astres, des étoiles, la coalescence de trous noirs, les émissions de pulsars, après avoir expliqué comment il est possible d'entendre tous ces phénomènes cosmiques, on peut aborder la question de la sonification même de l'espace-temps. Là, on part de la vibration de l'espace-temps lui-même, même avec les ondes gravitationnelles. Philippe Zarka. C'est quoi? J'ai jamais entendu ça. Ondes gravitationnelles issues de fusion de trous noirs, c'est le chirp d'une coalescence de binaires. D'accord. Donc pour nos auditeurs maintenant. Donc en fait, vous prenez un système de deux trous noirs, donc qui tournent l'un autour de l'autre, hein, et en fait, ils vont émettre des ondes gravitationnelles, donc ils perdent de l'énergie. Les deux trous noirs se rapprochent l'un de l'autre, plus ils se rapprochent, plus ils tournent vite. Donc vous allez avoir en fait un mouvement d'emballement et donc un son qui va partir assez grave. Et éventuellement, quand ils sont assez loin, c'est une note qui va glisser vers des notes de plus en plus aiguës. Et puis à un moment, ça s'accélère un peu. Vous savez, comme ces petites flûtes, je sais pas comment on appelle ça, qui font comme ça. Vous tirez dessus et ça vous perd du grave à l'aigu. Et en fait, c'est ce qu'on entend en fait. Et on entend les dernières rotations en fait de ce système. Et plus il va vite, plus il émet d'ondes gravitationnelles, il y a un emballement jusqu'au moment où les deux trous noirs vont rentrer en fusion. Les ondes gravitationnelles observées pour la première fois 100 ans après leur prédiction en 2016 sont très difficiles à détecter, hein, même si une énorme quantité d'énergie ne génère que de minuscules vibrations. Donc ça veut dire, c'est encore, hein, que les objets les plus brillants, entre guillemets, de l'univers ne sont pas ces éléments les plus brillants, Philippe Zarka. Ah oui, mais c'est l'histoire des ondes gravitationnelles et de leur détection est absolument fabuleuse. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune étudiant à l'observatoire de Meudon à l'époque, qu'il y avait encore des expériences sur place qui avaient des gros cylindres d'aluminium. Barres de Weber, oui, c'est ça. Des barres de Weber, avec des détecteurs piézoélectriques dessus qui essayaient de détecter la vibration d'un cylindre due au passage d'une onde gravitationnelle. Et il faut voir à quelle distance on était. Alors, c'était déjà très novateur, mais il faut voir à quelle distance on était à l'époque de ce que les astronomes ont accompli dans les années 2015, où on a détecté les vibrations d'un miroir du milliardième de la taille d'un noyau atomique. C'est juste inimaginable. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. Un amas de galaxies, une sonification par le télescope Hubble à 16h43 sur France Culture. Car nous parlons d'astronomie par le son avec Philippe Zarka, Jean-Philippe Puzan. Il n'y a pas que des signaux venus de l'espace qui pourraient être transcrits en son. Des signaux électromagnétiques plus proches de nous, dans les hautes couches de l'atmosphère, peuvent aussi être très riches en informations. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Natacha, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour le reportage du jour, vous êtes allé écouter des éclairs. Oui, j'ai rencontré Gauthier Hulot, qui est directeur de recherche CNRS s'intéresse à l'Université Paris-Cité et à l'Institut de physique du globe de Paris, où il est directeur adjoint chargé de la recherche et du spatial. Ses travaux portent sur l'étude du champ magnétique terrestre et de ses nombreuses sources. Avec son équipe, il exploite notamment les signaux magnétiques détectés par les magnétomètres dont il a la responsabilité à bord des 3 satellites de la mission Swarm de l'Agence spatiale européenne. Et il a pu transcrire en son des signaux électromagnétiques émis par certains éclairs dans cette partie de l'atmosphère terrestre qu'on appelle l'ionosphère, une transcription sonore qui a donné des informations précieuses sur cette partie instable de l'atmosphère. Cette mission a principalement pour but de mesurer le champ magnétique terrestre, ou plus précisément l'ensemble des signaux qui peuvent produire un champ magnétique à partir de phénomènes naturels sur Terre. Donc ça va du champ principal, qui est produit dans le noyau de la Terre et qui est responsable du pôle magnétique nord et du pôle magnétique sud, donc pour pouvoir suivre l'évolution au long terme de ce champ. Et puis cela passe aussi par la détection du champ produit par les roches aimantées, par les marées océaniques, par des signaux qui proviennent aussi de l'extérieur, de l'ionosphère, de la magnétosphère, qui sont produits du fait de l'interaction avec le vent solaire, car le soleil n'émet pas que de la lumière, il émet aussi un vent et de particules chargées. Quels ont été les dispositifs techniques, les satellites qui ont été construits pour cette mission-là? On a la chance d'avoir une maquette à côté de nous, peut-être qu'on peut la décrire. Et en quoi est-ce que cette maquette est à l'image de ce qui a été envoyé dans l'espace? Alors, il s'agit d'une copie conforme de l'un des 3 satellites qui sont tous les 3 identiques, qui sont en ce moment en orbite autour de la Terre à peu près 500 km d'altitude. Les décrire, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un long bras qui a une caractéristique de ce type de mission, parce que on souhaite mettre un magnétomètre à l'extrémité pour être absolument certain que les mesures que l'on fait sont des mesures de signaux naturels et pas perturbées par le fonctionnement du satellite lui-même. Donc c'est cet aspect un peu particulier du satellite avec une longue trompe, un long bras et le magnétomètre au bout. Vos satellites vous ont permis d'étudier des ondes électromagnétiques. Comment est-ce que vous est venue l'idée de transcrire des signaux électromagnétiques émis par des éclairs lors d'orages en son? Et quelle était l'idée derrière tout ça? Lorsqu'on a lancé la mission Swarm, on s'est rendu compte que nos instruments étaient capables effectivement de détecter des signaux qui provenaient des éclairs à des fréquences de l'ordre de quelques centaines de hertz. Et ces signaux, qu'on appelle les siffleurs en français, étaient en fait déjà connus dans la littérature et, accessoirement, pour l'anecdote, ont précisément été détectés pour la première fois au début du XXe siècle, à l'occasion de la Première Guerre mondiale, comme des signaux sonores, parce que tout simplement, dans les lignes téléphoniques que les soldats déployaient dans les tranchées, eh bien, ces lignes agissaient comme des antennes, détectaient le signal, et le signal était directement audible. C'est finalement, d'ailleurs, de cette manière-là que ces signaux ont été découverts et interprétés après, scientifiquement, par un scientifique allemand qui, lui, était chargé de faire des écoutes téléphoniques des lignes ennemies. Et il s'est rendu compte de la présence de ces signaux, et c'est lui qui a publié le premier papier scientifique sur ces signaux. Si on en revient à ces signaux que vous avez détectés grâce aux satellites de la mission Swarm, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Est-ce qu'on peut les écouter ensemble, ces signaux-là? Oui, bien sûr. Alors, je vais peut-être mettre ce qu'on vient de faire. Voilà, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Alors c'est une série de siffleurs qui donc ont été détectés à 500 km d'altitude par les satellites Swarm. Et ces signaux, comme vous pouvez le constater, sont des signaux qui sifflent au sens où ça démarre par les hautes fréquences, puis ça descend vers les basses fréquences, ça fait un tiou. Et cette dispersion, c'est-à-dire le fait que les hautes fréquences arrivent en premier et les basses fréquences après, est produit par le fait que le signal qui est émis initialement par un éclair se propage ensuite dans l'espace, dans une partie de l'atmosphère qui s'appelle l'ionosphère, et l'interaction de cette onde avec l'ionosphère produit cette dispersion. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce signal, c'est que cette dispersion, précisément, donne une information sur l'état de l'ionosphère le long du trajet du signal. Et ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui avec mon équipe, un étudiant en thèse, Martin Génère, un collègue, Pierre-David Écoisson, et un de nos ingénieurs, Louis Chauvin, c'est justement de voir comment on peut exploiter de manière systématique ces informations pour retrouver des informations sur l'état de l'ionosphère. Alors, beaucoup d'outils sont utilisés pour retrouver l'état de l'ionosphère, mais l'un des avantages, c'est que les satellites permettent d'obtenir des signaux qui sont par exemple au-dessus des océans, dans des endroits où les autres méthodes ne permettent pas de sonder l'ionosphère, et en particulier sous les satellites, c'est-à-dire entre 0 et 500 km d'altitude. L'ionosphère, c'est une des couches de l'atmosphère qui est très fluctuante, très instable, très difficile à cerner. En quoi ces signaux-là vous donnent des informations précises sur l'état de l'ionosphère, à quel degré, à quel niveau ? Alors, l'ionosphère est une partie de l'atmosphère qui est ionisée par la lumière du soleil du côté du jour. Donc, elle est très ionisée côté jour, elle est nettement moins côté nuit. Mais ça, c'est une vision un peu simple des choses et c'est une région qui est très dynamique. Alors, pourquoi on s'intéresse à elle en particulier ? Parce qu'elle influence la propagation de toutes les ondes électromagnétiques de manière générale. Par exemple, les télécommunications vers les satellites ou depuis les satellites, le signal GPS, les signaux de radio, de communication, etc. Et il est donc intéressant de suivre, de comprendre pourquoi l'ionosphère est parfois agitée et quelles sont les conséquences pour les moyens technologiques. Donc ça, on rentre dans le domaine de ce qu'aujourd'hui on appelle la météorologie spatiale, qui est un domaine en pleine expansion, tout simplement parce que la technologie utilisant les satellites se développe à grande vitesse, comme vous le savez tous. Donc la météorologie peut aussi passer par le son, et c'est ça qui est intéressant. Quelle suite vous allez donner à ces travaux ? Est-ce que vous allez continuer à écouter ces éclairs-là ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous travaillons sur une nouvelle mission qui sera dédiée de nouveau à l'étude du champ magnétique, mais avec des méthodes différentes et en tirant les leçons que nous avons apprises de la mission SWARM, et en particulier, la mission sera conçue pour étudier encore mieux et mieux détecter ces whistlers, comme on le dit en anglais, ou siffleurs en français. Merci Antoine Beauchamp pour ce reportage. On arrive à la fin de cette émission. On a vu que la sonification peut être une approche fertile et stimulante, que c'est une activité à visée de communication, un outil de vulgarisation. On ne l'a pas dit, mais cette démarche rend aussi l'astronomie plus accessible aux astronomes malvoyants, aux personnes aveugles. Pour conclure, faire de l'astronomie par le son, Jean-Philippe Puzan, quel regard vous portez sur cet acte ? Déjà, je vais rebondir par rapport à ce qu'on vient d'entendre. En fait, on voit des paysages, et c'était juste pour dire que on a autour de nous, en fait, de nombreux signaux électromagnétiques. Ils sont invisibles pour nous. Et que ça, il y a des gens qui l'ont réalisé. Donc, les scientifiques, bien sûr, le savent. Mais que des artistes en sont emparés. Et par exemple, Christina Kubitsch, qui est donc une artiste, qui a découvert un jour qu'il y avait des... Elle avait acheté un casque, il y avait des parasites. Elle a essayé de comprendre. Elle s'est documentée. Elle a compris qu'il y avait autour d'elle des signaux électromagnétiques. Et en fait, elle a construit un casque, en fait, qui détecte le champ électromagnétique par un phénomène d'induction quand on se balade dans une ville. Et elle a fait des electrical walks, donc des parcours. Vous prenez ce casque, vous vous baladez en ville, vous allez passer près d'une borne Wi-Fi, d'un portique, d'un distributeur de billets. Et en fait, vous allez voir le paysage électromagnétique dans lequel vous vous baladez. Et ce paysage, en fait, c'est un paysage qui est inaccessible par nos sens. Et elle le rend sensible. Et donc, chaque ville... Alors, elle a une page web. Et sur sa page web, vous pouvez aller à New York, à Paris, à Berlin, et vous allez voir qu'ils n'ont pas le même paysage électromagnétique. C'est un bel exemple de comment la recherche astrophysique, les découvertes en cosmologie inspirent les musiciens et l'intrication science et musique. Merci à vous deux pour cette émission très musicale. Jean-Philippe Puzan, je rappelle que votre ouvrage « L'harmonie secrète de l'univers » aux éditions Flammarion est disponible en librairie. Il est temps à présent de retrouver un physicien lui aussi fasciné par le champ du cosmos, c'est Étienne Klein. Et chronique, le pourquoi du comment. Comment définir le hasard ? Le mot hasard vient de l'arabie. Le mot arabe hasard, qui veut dire dé à jouer, s'est transformé en hasard en espagnol. Or, ironie suprême, le mouvement et le destin d'un dé qu'on lance sont en réalité régis par des lois parfaitement déterministes, au sens où ils ne doivent rien au hasard pur. Si le résultat nous semble impossible à prévoir, c'est parce qu'il dépend de causes trop nombreuses pour que nous puissions les identifier et toutes les prendre en compte. En somme, le résultat d'un jet de dés est à la fois impossible à prévoir et parfaitement déterminé. Ainsi, dès l'origine, le mot hasard entremêle l'inéluctable et l'imprévisible. Alors quand Mallarmé écrit dans son fameux poème typographique que toute pensée émet un coup de dé, que veut-il signifier au juste ? Que toute pensée produit des effets dans le monde ou dans la vie des idées que nul ne peut prévoir ? Ou bien plutôt qu'elle résulte elle-même d'un hasard pur, d'une spontanéité qui n'est pilotée par aucune loi ni aucune cause ? Ou au contraire, que tel le jet d'un dé, elle est déterminée à notre insu, par exemple par des mécanismes inconscients ? Le poète ne le dit pas. Mais c'est la dernière possibilité qu'aurait sans doute choisi Marcel Proust, qui écrit dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » « Même mentalement, nous dépendons des lois naturelles beaucoup plus que nous croyons, et notre esprit possède d'avance, comme certains cryptogrammes, comme tel graminé, les particularités que nous croyons choisir. » Fin de citation. Notre libre arbitre, dont Pierre Dac disait qu'il n'est pas à l'usage exclusif des arbitres de catch à 13 et de rugby à 4, serait alors de pure façade. Au XIXe siècle, le mathématicien Antoine-Augustin Cournot avait développé une conception du hasard qu'il voulait plus objective. Selon lui, aucun événement ne peut être perçu comme un fait isolé. Tout événement est nécessairement l'effet d'au moins une cause, qui est elle-même l'effet d'une autre cause, et il devient lui-même la cause d'un nouvel effet, etc. Cette conception lui permit de fonder la notion de série causale, lesquelles sont constituées de l'enchaînement dans le temps de causes et d'effets. Selon Cournot, ce qu'on appelle le hasard ne serait rien d'autre que le croisement de deux séries causales indépendantes. Pour illustrer son propos, il citait l'exemple d'un homme qui prend le train pour aller à la campagne et meurt des suites d'un déraillement. La victime, écrit Cournot, est fortuite, car les causes qui ont amené l'accident ne tiennent pas à la présence du voyageur. Fin de citation. Si cette conception du hasard ne manque pas d'un certain pouvoir de conviction, elle reste peut-être un peu simpliste sur le plan épistémologique, car la notion de série causale suppose que les causes et les effets s'enchaînent selon une ligne bien définie, de façon autonome. Or, dans la réalité, chaque événement, que nous le considérions ou non comme hasardeux, est lui-même au croisement d'un nombre indéfini de lignes ou de séries causales. Dans l'exemple choisi par Cournot, le voyageur n'a pas seulement pris le train, il a choisi un certain horaire, s'est installé dans tel wagon et non pas dans tel autre, pour telle ou telle raison, s'est assis à cette place et non pas à cette autre, de sorte que l'explication du hasard proposée par Cournot devient très vite proliférante. Un peu plus tôt, en 1814, Pierre-Simon de Laplace avait cru pouvoir éliminer la notion de hasard en s'appuyant sur le principe de raison suffisante énoncé par Leibniz. Rien ne se fait sans raison suffisante, c'est-à-dire que rien n'arrive sans qu'il soit possible à celui qui connaîtrait assez les choses de rendre une raison qui suffise pour déterminer pourquoi il en est ainsi et non pas autrement. Fin de citation. Qu'est-ce à dire ? Que même si un événement ne semble pas avoir de cause identifiable, il en a tout de même une, nécessairement, mais que celle-ci nous est cachée par notre ignorance. Ainsi, la causalité agirait-elle de façon souterraine en amont de tout événement ? Dès lors, il ne resterait plus aucun espace pour la contingence. Car invoquer le hasard à propos de tel ou tel événement qui paraît fortuit ou inopiné, ce ne serait jamais qu'admettre avoir échoué à identifier sa cause. Le hasard correspondrait en somme au purgatoire apparent de la causalité, pour reprendre une jolie formule de Jean Baudrillard, c'est-à-dire à une construction artificielle entièrement fabriquée par nos limitations cognitives. Si nous croyons qu'il joue un rôle, c'est simplement parce que nous sommes aveugles aux raisons cachées qui déterminent et organisent la suite des événements. Cette invocation systématique et totalisante de la causalité pose toutefois un problème. Elle met implicitement en place un chemin vers l'abîme, vers un puits sans fond. Car si l'on ne peut expliquer un événement qu'en lui ajoutant sa propre antériorité, toute cause dont on se sert pour expliquer un événement doit être elle-même considérée comme l'effet d'une autre cause qui l'a précédée dans le temps, et ainsi de suite. S'enclenche ainsi une régression à l'infini, dont l'absence de terme vient tuer dans l'œuf l'idée d'une explication ultime. Et c'est ainsi que nous apprenons que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Merci Étienne pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute.